J'en connais un qui n'aura jamais un musée à Bruxelles, oh, mais qui pas. Peut peut-être oh, finir si. Dans vos toilettes. Oui. C'est Guillaume Auguste. Oh, yeah, welcome. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Pire que tu te plaignais de Nagila. Dans quel état ouais. On ne sait pas. On peut toujours trouver pire. Ça va les amis gosses? Oui. Alors, ça me fait bizarre de faire une chronique en France à côté du compatriote Philippe Gueluc. Et je dis bien Gueluc et pas Gueluc. Chaque fois qu'un Français prononce ouais. Philippe Gueluc, un morpion meurt dans le slip de Daniel Morin. Il en reste, hein. Il en reste, hein. C'est pas allons-y, le problème. Allons-y. À ce stade, c'est plus d'un négligent, c'est une culture. Mais enfin, c'est pas un jugement, Daniel. On a tous besoin de compagnie. Qui a un chat? Qui mille poules du pubis? Mais je dis juste que c'est bizarre ce truc que vous avez avec notre prononciation. Chaque fois que je dis que je vis à Bruxelles, il y a toujours un Français qui me dit ah mais j'adore Bruxelles. T'adores Bruxelles. T'étais pas dans la même pièce quand j'ai pas prononcé le X, fils de poule. Ce côté, ils sont trop cute les Belges. Ils essaient de prononcer le nom de leur capitale. Ça marche trop pas. Mais c'est nos amis quand même. Ça me donne envie de crever dans un mouchoir de Guy Georges. Et c'est dingue. Ce sentiment d'avoir la science infuse. Je me rappelle le seul truc. Je rappelle quand même que le seul truc que vous avez réussi correctement un peu en France, c'est l'Orangina, quoi, tu vois. Et vaguement le palais idéal du facteur cheval. Point barre. Ouais, si un jour les extraterrestres font procès pays par pays, c'est pas avec la guillotine et la suppression de l'ISF, vous avez une remise de peine. Hein, si je peux vous dire franchement. Et c'est fou ce rapport que vous avez aux Belges. Là, j'ai fait 2 mois de promo pour mes dates au Bataclan. Il n'y a pas un journaliste qui m'a pas dit vous êtes quand même beaucoup de Belges sur France Inter, non? C'est un truc qu'on dit jamais à Fred Tigris, par exemple. Ouais. Jamais un journaliste qui regarde Tigris et qui lui dit vous êtes quand même beaucoup de chauves sur Inter, non? Il y a un écosystème, c'est la glyphosate, c'est la cantoche, tu vois, c'est quoi? Quelqu'un vole vos cheveux. Ah, ça, ce serait un vrai axe journalistique, par exemple. Comment ça se fait qu'autour de table, il y a 3 chauves? Ouais, c'est pas contre vous, Leïla. Hein. Je trouve que ouais. Voilà, ce postiche va vous ravir, c'est pas le problème. Puis à force de picoler, il fallait s'attendre à ce que la nature contre-attaque. Je dis juste que. Les journalistes, ils parlent toujours des Belges d'Inter comme si on était un espèce de réseau mafieux et qu'on racketait Radio France. Putain, salut Nagui. À ce propos, bisous, c'était les longues ondes à Saint-Barth et bonjour à Johnny. Mais ça porte un nom, ça, la peur des étrangers. Pas vrai, maréchal? Ça s'appelle comment? Affirmatif. Ah, voilà, vous en parlez beaucoup tellement ça vous met l'émotion, le racisme. C'est vrai, hein. Comme tous les racismes, mot de peur de l'invasion belge, c'est un fantasme, amis, sur Inter, avec Charline Manoulaker et Alex Vivorek, on est que 3 humoristes, hein. Et encore Alex, c'est pas vraiment un humoriste. Enfin, allez, je veux dire. Il peut être amusant, hein, dans un dîner ou quoi. C'est vrai, je l'avais vu jouer avec un enfant. Ah, tu me vois plus, etc. Je sentais que le gosse était hilar, mais je dirais pas que c'est un humoriste au sens Michel Bougenat, tu vois. Et Charline, elle est de Wallonie, tu vois, quand on me dit qu'elle est belge, ça me fait bien marrer, vraiment. Alors, quant à moi, je fais qu'une chronique par semaine et comme on comprend un mot sur deux, c'est comme si je faisais 2 chroniques par mois. Je suis tombé sur un vieil article de Paris Match, de Paris Match 2015, qui parlait de Charline. D'Alex et Stéphane De Groot et qui est intitulé, je vous promets, au cœur des médias français quand les Belges les envahissent. Putain, tu remplaces les Belges par juifs et t'as le podcast de la semaine sur Radio Courtoisie. Je veux dire, c'est fou de revenir chaque fois avec le nombre de Belges qu'on a à la radio française. Est-ce que nous on vous parle du nombre de Français qu'on a à la radio belge? Pensez qu'il est où Jean Roucas? Il est chez nous, oui, sur la RTBF, la radio publique belge. Il anime une émission de débat avec Tex, exactement. Mais chez nous, il n'y a aucun journaliste qui dit tiens, Jean et Tex, vous êtes quand même beaucoup de Français. Alors non, pourquoi? Parce que chez nous, on considère que la francophonie, c'est une grande famille. Allez, merci les amis. Et au docteur G, notre cheval de Troie. À bientôt. Bravo. Bravo.